Faire les conclusions d'un colloque de ce type qui a parlé de choses extrêmement diverses, ce n'est pas très facile. Mais je vais essayer de le faire quand même et, disons, de poser un certain nombre de questions parce que l'idée centrale de tout cela, c'est qu'on a posé des bases et qu'il serait bien que nous continuions à travailler sur ces questions de la politique scientifique, disons, en Europe d'une façon, et que, disons, j'ouvre quelques perspectives. Donc on vient de travailler 3 jours, quand même, hein. Tout le monde n'était pas là tout le temps, mais c'était 3 jours d'un travail assidu, à l'occasion desquels ont été présentées près d'une 20aine de communications, prolongées par des questions et des discussions, souvent très, très animées et enthousiastes. Donc pour ma part, je n'ajouterai donc pas une communication aux communications, j'aurais pitié. Mais en dépit de la diversité et de la richesse des questions traitées, j'essaierai de conclure, ou plus exactement, de faire le point. Parce que conclure, ça veut dire finir. Je préfère qu'on fasse le point pour qu'on continue à travailler. Il me semble en effet indispensable de poursuivre la réflexion, de l'étendre et de l'approfondir. En un mot, il me semble que certaines questions ont été posées et qu'il importe maintenant de travailler et de s'engager sans doute plus à fond dans un effort de synthèse. Quand on regarde l'ensemble des communications, on pense qu'un effort de synthèse doit s'imposer parce qu'on a parlé de choses d'une diversité extraordinaire, même si une ligne générale semble se dessiner. Et c'est un peu de cette ligne générale dont je voudrais surtout parler. Mes conclusions s'organiseront en 3 parties. Tout d'abord, j'essaierai de dégager les principaux axes ou piliers qui me sont apparus, piliers indispensables pour mettre en place l'élaboration d'une politique scientifique digne de ce nom, parce que c'était quand même l'enjeu. En second lieu, j'attirerai l'attention sur des aspects sous-estimés dans les communications du colloque. Et pour pouvoir continuer, il faut qu'on sous-estime certaines choses, sinon on n'a pas de raison de continuer. Et en dernier lieu, je vous ferai part d'un entretien privé que j'ai eu hier au soir, je l'ai eu au dernier moment, que j'ai eu hier au soir avec Fontenelle, le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences pendant un demi-siècle. En effet, il me semblait que cet homme, à la charnière du travail scientifique et de l'organisation politique, ne pouvait être que de bons conseils dans la perspective du développement de nos travaux. Donc, tout à l'heure, je vous ferai part de cet entretien que j'ai eu avec lui. Il pourra en être témoin, ce sont exactement ses mots. Je ne les invente pas, hein. Bien, donc les principaux axes. Premier point, à l'issue de ce que j'ai entendu des différentes présentations et analyses particulières qui ont été faites, il me semble que la mise en œuvre d'une politique scientifique au XVIIe et XVIIIe siècle s'est appuyée sur 3 piliers principaux. Alors d'abord, et ça c'est le point quand même important, la prise de conscience progressive par le pouvoir, l'État, le prince, de l'importance du développement scientifique. On le voit même arriver, comme on l'a vu ce matin, à la cour, les efforts pédagogiques auprès des enfants. Donc l'importance du développement scientifique dans la constitution d'une économie moderne, susceptible tout à la fois d'enrichir la nation et d'assurer la gloire du prince ou du roi. Les deux aspects sont liés. Alors, on a eu des exemples pendant ces 3 jours, la création des académies en France, en Angleterre, en Prusse, etc. Et à contrario, d'un certain point de vue, la faillite de l'État ottoman, qui lui n'a pas vraiment développé de politique scientifique, et on a vu qu'il s'est écroulé finalement. Bien, donc il faut voir, donc il est toujours important, il faut bien garder en tête cela, qu'une vraie politique scientifique est indispensable pour qu'un État subsiste. Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe devrait en prendre quelques leçons. La nécessité, le deuxième point, la nécessité, non pas seulement d'une politique de scientifique ou de la recherche, mais assurément d'une politique volontariste de la recherche et de l'enseignement supérieur. Car cette volonté m'a semblé marquée dans ce que j'ai entendu, d'une part par le développement intensif de la formation à tous les niveaux de la population. On a vu se créer des écoles, des universités, des formations, créer en même temps des collections où les gens peuvent aller s'instruire, apprendre. Il y a une volonté politique réelle de formation générale. Et cela a été dit dans plusieurs communications et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette affaire. Le développement d'une politique scientifique au sens large du terme, ça ne concerne pas quelques personnes, ça concerne toute une population, et c'est l'ensemble de cette population dont on doit s'efforcer de faire progresser le niveau pour qu'on puisse enfin avoir une vraie politique. Et d'autre part, la constitution d'un corps de chercheurs ou d'enseignants relativement stable est rétribuée par le prince ou le roi, et l'exemple le plus parlant de ce point de vue est celui de l'Académie royale des sciences, avec des pensions données aux académiciens, et on a vu des résultats admirables en France au XVIIIe siècle. Je ne pense que c'est un exemple typique d'une bonne politique de la science. Et puis le troisième point, c'est reconnaître au travail scientifique une certaine indépendance vis-à-vis des pouvoirs, qu'ils soient politiques ou religieux. C'est-à-dire qu'il ne doit pas non plus ce pouvoir, cette politique de la science, elle est proposée par l'État, enfin par le roi, le prince, mais il ne doit pas non plus asservir ses employés, si je puis dire. Il faut leur laisser un peu de respiration. Et en ce sens, l'Académie royale des sciences est un cas intéressant. La cour est ici, l'Académie est à Paris. Ben, il faut aller de l'un à l'autre pour dire ce qu'il faut faire. Ça prend du temps. Les académiciens ont un peu plus de liberté. C'est aussi une leçon pour aujourd'hui. Ce sont là, à mon avis, les principaux piliers que j'ai discernés à travers l'ensemble des communications et comme sous-tendant la mise en place d'une politique scientifique digne de ce nom. Et je crois que déjà, mettre ça en place, en avoir une claire conscience, ce n'est pas une petite chose. Tout cela, cependant, me semble être insuffisant. Je vais donc maintenant m'engager dans la seconde partie de ces conclusions, c'est-à-dire ce que j'appellerai les aspects sous-estimés. Mais ils ont été sous-estimés non pas parce que mes collègues sont de mauvais chercheurs, mais simplement par l'orientation même qui a été donnée au colloque. En effet, en se plaçant comme cela a été voulu dans ce colloque, je faisais partie du comité d'organisation, alors je prends, hein. Bon. Du côté, comme ça a été voulu, donc en se plaçant du côté des pouvoirs publics, de la puissance de l'État, on est conduit à travers la prégnance de la notion d'utilité, qu'avait souligné beaucoup Robert Halleux dans sa communication d'introduction, et notion d'utilité qui est quasiment consubstantielle au fonctionnement de la politique publique, eh bien on ignore un peu ce qu'il en est effectivement de la pratique de la science. Or, une politique effective de la science doit prendre en compte aussi les irréductibles de la fabrication de la science. Ce n'est pas simplement en disant « j'ai besoin de ça » qu'on va obtenir ça. C'est utile pour la nation, mais comment on va l'obtenir ? Voilà. Alors, si la notion d'utilité intervient sans aucun doute dans la marche des applications, des développements techniques, elle ne joue en revanche qu'un rôle très secondaire dans le travail scientifique préalable. Et cela, je pense que ça a été pratiquement souligné dans la dernière communication avec les travaux de Duhamel Dumonceau. Et de ce point de vue-là, je trouvais ça très intéressant. Ça apporte de l'eau à mon moulin au dernier moment et ça me rassure. Oui. Donc, je vais éclairer cursivement ces aspects, donc du développement préalable de la science, en fait, de la manière dont ça fonctionne, par deux exemples dont il a été fait mention plusieurs fois dans ce colloque, mais de ce point de vue, d'une manière incomplète, pris exclusivement sur le mode de la politique de la scientifique sous la rubrique de ce qui est utile. Les deux exemples, ce sont le développement de l'artillerie, je serai très bref, ne vous inquiétez pas, et le deuxième, le développement de l'horlogerie. Deux choses extrêmement importantes. Alors, évidemment, quand on parle de l'artillerie et de l'horlogerie au XVIIIe siècle, on dit leur développement, c'est une affaire très utile pour l'État, pour la marine, pour la guerre, pour tout ce que l'on veut, exactement. Mais, à ce moment-là, on va dire, je vais donner de l'argent, on va développer les écoles d'artillerie au milieu du XVIIIe siècle, je donne de l'argent, on va développer l'horlogerie. Mais d'où cela vient-il ? Cette artillerie et cette horlogerie, d'où surgit-elle comme ça? Non, pas du tout. Et c'est là qu'il faut savoir, disons, financer une politique de recherche de façon beaucoup plus antérieure. Parce que si je prends le développement d'artillerie, j'essaye d'être très bref. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 1543, il y a eu Copernic. Alors vous allez me dire, ça paraîtrait qu'il me parle de Copernic alors qu'il veut me parler d'artillerie, ça n'a aucun rapport. Non, c'est essentiel. Parce qu'avec Copernic, dont le travail n'était pas ni commandé ni utile, ben on peut, ça c'est la seule chose dont on peut être sûr, hein, il ne faisait pas partie des... Non, pas du tout. Le monde change, c'est-à-dire que le soleil est au centre maintenant et la Terre tourne autour. Si la Terre tourne autour du soleil, on inverse le système cosmologique et à ce moment-là, on est obligé de reconstruire la physique, de faire une nouvelle physique, une nouvelle science du mouvement dans une perspective absolument théorique. Et ce sont les travaux de Galilée, de Newton et de tous ces personnages. Ces personnages vont travailler et en particulier, Galilée va s'intéresser au mouvement de projection des corps. On lance un corps. Alors il va faire dans son traité, et puis ses successeurs vont faire, mais il n'y a pas de perspective militaire là-dedans. Hein. Fait ça dans son traité, on laisse tomber un corps, on le met sur un plan incliné, on l'envoie et on fait la mathématique de tout cela. Et vers le milieu, mais cette mathématique du corps jeté est une mathématique du mouvement, comme on dit, parabolique, c'est-à-dire sans résistance de l'air. Et les artilleurs de l'époque, à qui Blondel, à l'Académie royale des sciences, propose un manuel qu'il écrit, ne s'intéressent pas du tout à cette affaire, ils trouvent ça complètement idiot, ils préfèrent utiliser leur table et leur pratique. Et donc, tous ces calculs n'ont strictement aucune utilité. Alors voilà, vous me dites, qu'est-ce qui tient à nous raconter avec cela? Eh bien, tout simplement que quelques décennies plus tard, deux décennies plus tard, la connaissance du calcul différentiel et intégral, dont la création n'a rien d'utile non plus au départ, lorsque Leibniz le produit, permet de traiter les questions du mouvement des corps lancés lorsqu'on tient compte de la résistance de l'air. Et à ce moment-là, vers 1720, Bélidor fait un traité pour les artilleurs. Mais là, ça marche, c'est très utile. Et ça, on se dit, mettons d'une pipe, voilà, c'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant. Et tout le champ théorique qui a été mis en place permet la construction des fameuses écoles d'artillerie au milieu du XVIIIe siècle, parce que là, ça devient utile. Mais pour que ça puisse être devenu utile, il fallait d'abord un siècle de travaux et de réflexions strictement inutiles. Hein, et commençant par Copernic. Sans Copernic, port d'artillerie moderne. Je laisse ça à votre méditation. Le deuxième exemple, que je vais traiter aussi brièvement, c'est l'horlogerie. Ah, il faut développer l'horlogerie marine. Chose importante. Mais d'où vient que l'on a une horlogerie et des pendules qui battent bien la seconde? Ah, ben c'est très simple. Toujours Galilée, son même traité, mouvement sur des plans inclinés, Christian Huygens, dont il a été question ici déjà, Christian Huygens dit « Ah, je vais étudier, reprendre un problème bien connu à l'époque, qui est le problème de Pascal, la roulette, qui est le problème de la cycloïde. » Il étudie la cycloïde, vous savez, c'est la courbe que décrit, si vous prenez une roue de vélo, tout le monde a déjà vu une roue de vélo, vous prenez la valve, et la courbe que décrit la valve quand la roue se déplace, c'est une cycloïde. Alors, on peut prendre la cycloïde retournée, donc c'est une courbe. Et il fait des travaux de strictement mathématiques. Et il observe que la cycloïde est une courbe tautochrone, c'est-à-dire qu'elle préserve le temps. Donc, propriété tout à fait étonnante. Si vous prenez une courbe cycloïde comme ça, vous prenez une petite bille de plomb d'un côté, une petite bille de plomb de l'autre côté, quelle que soit la hauteur, vous les laissez tomber, clic, elles arrivent ensemble en bas. À partir de ses travaux sur la cycloïde tautochrone, il va pouvoir faire développer de la mécanique, qui va permettre de construire le fameux ressort spiral réglant, qui est précisément ce qui va servir pour l'horlogerie et pour régler le pendule, et donc faire des horloges. Donc à ce moment-là, on se dit, mais c'est très utile de développer cela, mais on développe quelque chose qui relève aussi, d'un certain point de vue, d'une mécanique théorique mise en place longtemps avant. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est qu'au regard de ces deux exemples, il apparaît évident que si l'on souhaite un développement technique, tout le monde souhaite un développement technique et utile, il faut d'abord une nouvelle élaboration théorique. Et cette élaboration théorique, elle ne se programme pas. Copernic n'est pas programmé, Galilée n'est pas programmé, il est là. Et j'en veux pour preuve un exemple d'aujourd'hui, parce que vous allez me dire, oui, il raconte des trucs anciens comme ça, et ça n'a pas de rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui. Ben, je prendrai un exemple très simple. Ce n'est pas en voulant améliorer la lampe à incandescence, avec des programmes de recherche, que l'on a inventé le laser. C'est en créant en toute liberté une nouvelle théorie dont on ne pouvait pas imaginer quelles seraient les applications. En 1930, la mécanique quantique. Alors là, ça c'est pour les spécialistes. En 1950, Alfred Kastler invente le pompage optique. Aucune idée de laser ni de quoi. En 1960, trois Américains mettent au point ce qu'on appellera le laser, un instrument dont tout le monde se moque éperdument parce que ça ne pense qu'on ne sert à rien. Et deux ans plus tard, ça devient très utile et maintenant c'est hyper utile. Mais ce n'est pas en améliorant la lampe en incandescence, mais en créant une nouvelle théorie qu'on a le laser que vous utilisez aujourd'hui pour écouter des CD. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc il faut faire très attention lorsqu'on parle d'utilité. L'utilité se situe à un certain moment quand on a compris que ce qui est arrivé. On peut prendre un exemple très très très ancien et que il m'amuse bien. Pourquoi on envoie des satellites qui suivent des coniques, mouvements autour de la Terre. Ce sont les coniques d'Apollonius de Perge. Dans l'Antiquité, ils ne savaient pas que ce serait très utile pour aller sur la Lune. Bon, ça c'est un fait, je crois qu'imparable. D'ailleurs, ça a servi à rien, les coniques, pendant un bon millénaire. Bon, donc il me semble donc bien que la politique scientifique doit absolument prendre en compte cet aspect essentiel que je définirais comme la possibilité d'une recherche libre et non orientée. Une telle recherche a existé à l'Académie royale des sciences. On avait des programmes très orientés. Le roi demandait que l'on fasse des progrès dans ci ou dans ça dès le début de l'Académie. Tous les académiciens y allaient, mais en même temps, ils prenaient le temps de faire des travaux de physique théorique, de mathématiques qui ne servaient à rien, mais qui serviront après au XVIIIe siècle, mais qui à l'époque n'étaient pas programmés. Alors, ce faisant, je me suis dit qu'il importait que je prenne conseil, puisque j'ai dit des choses qui étaient un peu en décalage par rapport à certains aspects, je me suis dit qu'il serait important que je prenne conseil auprès d'un homme à la charnière de la science et du politique, que connaît bien Madame Mazurik aussi, que nous aimons bien tous les deux. Mais moi, je l'ai rencontré, c'est la différence. Il s'agit de Monsieur de Fontenelle. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis entretenu hier au soir avec lui, parce que hier au soir, il fallait que je prépare mon texte. Donc, je lui ai dit, cher Fontenelle, il faut que vous me disiez un certain nombre de choses sur comment concevez-vous, vous, la politique scientifique. Et donc, j'ai fait un entretien et je vais vous donner les éléments de cet entretien. Évidemment, vous n'allez pas me croire en me disant que j'ai parlé vraiment avec Fontenelle, mais tout ce qui est là, c'est Fontenelle. C'est-à-dire toutes les réponses qu'il va formuler, qu'il va donner à mes questions, c'est du Fontenelle de 1702, préface au premier volume de l'Académie. Donc vous connaissez ce texte, qui est un texte très célèbre, mais on peut le mettre sous une forme d'un entretien, ce qui, moi, m'amuse beaucoup. Donc voilà. Alors je lui pose des questions, il répond. Vous verrez, c'est très instructif, et je pense envoyer ça aux instances politiques aujourd'hui. Alors, Monsieur de Fontenelle, vous venez d'être nommé en 1699, lors de la réorganisation de l'Académie, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences. Vous allez devoir mettre en place une politique de la recherche pour les années à venir, et sans doute pour une grande partie du XVIIIe siècle, la moitié. Je souhaiterais que vous nous éclairiez sur vos projets et perspectives. On considère souvent dans le monde politique et économique que seules les sciences qui ont des applications, une utilité immédiate, doivent être encouragées et soutenues financièrement. Qu'en pensez-vous? Voilà une bonne question, très à la mode aujourd'hui. Monsieur de Fontenelle répond. On traite volontiers d'inutile ce qu'on ne sait point. C'est une espèce de vengeance. Et comme les mathématiques et la physique sont assez généralement inconnues, elles passent pour assez généralement pour inutiles. La source de leur malheur est manifeste. Elles sont épineuses, sauvages et d'un accès difficile. Bon, je reprends la parole. Si je vous entends bien, il importe donc d'abord de faire comprendre qu'il ne peut y avoir de résultats utiles sans que précédemment aient été réalisées de longues études difficiles et épineuses. Je vous ai préparé à la question. En conséquence, toute politique de la recherche qui s'orienterait exclusivement par ignorance vers des études finalisées sur projet, visant à résoudre des problèmes d'un intérêt immédiat, serait à plus ou moins court terme vouée à l'échec. Êtes-vous de cet avis ? C'est la politique aujourd'hui. Fontenelle répond « Il me semble d'abord que si l'on voulait renfermer les mathématiques dans ce qu'elles ont d'utile, il faudrait ne les cultiver qu'autant qu'elles ont un rapport immédiat et sensible aux arts et laisser tout le reste comme une vaine théorie. Mais cette idée serait bien fausse. L'art de la navigation, par exemple, tient nécessairement à l'astronomie. Et jamais l'astronomie ne peut être poussée trop loin pour l'intérêt de la navigation. » L'astronomie a un besoin indispensable de l'optique, à cause des lunettes de longue vue. Et l'une et l'autre, ainsi que toutes les parties des mathématiques, sont fondées sur la géométrie, et pour aller jusqu'au bout, sur l'algèbre même. Je reprends la parole. Donc, d'après vous, il est a priori impossible de prévoir quelles seront ce qu'on appelle aujourd'hui les retombées technologiques, et que vous appelez plus simplement les applications. Vous soutenez donc qu'une programmation trop stricte de la recherche n'est pas possible. En effet, telle spéculation géométrique, qui ne s'appliquait d'abord à rien d'utile, vient à s'appliquer dans la suite. Quand les grands géomètres du XVIIe siècle se mirent à étudier une nouvelle courbe qu'ils appelèrent la cycloïde, ce ne fut qu'une pure spéculation, où ils s'engagèrent par la seule vanité de découvrir à l'envi les uns des autres des théorèmes difficiles. Ils ne prétendaient pas eux-mêmes travailler pour le bien public. Cependant, il s'est trouvé, en approfondissant la nature de la cycloïde, qu'elle était destinée à donner au pendule toute la perfection possible et à porter la mesure du temps jusqu'à la dernière précision. Alors je continue, vous inquiétez pas, l'entretien se termine. Il est donc indispensable de toujours rappeler au pouvoir, quelle que soit sa nature, qu'il n'y a pas plus mauvaise politique de la recherche que celle qui consiste à mettre un frein à la recherche libre et non orienté. L'important consiste donc principalement à favoriser le développement des connaissances ou, comme vous le dites, d'amasser des vérités. Et Fontenelle, amassons toujours des vérités de mathématiques et de physique au hasard de ce qu'il en arrivera. Ce n'est pas risquer beaucoup. Il est certain qu'elles seront puisées dans un fond d'où il en est déjà sorti un grand nombre qui se sont trouvés utiles. Nous pouvons présumer avec raison que de ce même fond, nous en tirerons plusieurs brillantes dès leur naissance d'une utilité sensible et incontestable. Il y en aura d'autres qui attendront quelque temps qu'une fine méditation ou un heureux hasard découvre leur usage. Il y en aura qui, prises séparément, seront stériles et ne cesseront de l'être que quand on s'avisera de les rapprocher. Enfin, au pis-aller, il y en aura qui seront éternellement inutiles. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Je m'interroge et j'interroge Fontenelle, ça sera la fin de notre entretien, des choses qui resteront inutiles. Ces choses qui resteront inutiles, me dis-je, sont-elles vraiment inutiles ? Et Fontenelle répond, bien évidemment, j'entends inutile par rapport aux usages sensibles et pour ainsi dire grossiers, car du reste elles ne le seront pas. Un objet vers lequel on tourne uniquement que les yeux en est plus clair et plus éclatant quand les objets voisins qu'on ne regarde pourtant pas sont éclairés aussi bien que lui. C'est qu'il profite de la lumière qu'il lui communique par réflexion. Ainsi, les découvertes sensiblement utiles et qui peuvent mériter notre attention principale sont en quelque sorte éclairées par celles qu'on peut traiter d'inutiles. Toutes les vérités deviennent plus lumineuses les unes par les autres. C'est une leçon pour tous nos politiques. Alors, en conclusion, cher Fontenelle, et ça sera ma conclusion aussi, en deux mots, je ne vous interrogerai pas sur les politiques actuelles. Parce que je suis un homme prudent, mais je pense qu'il a bien répondu. Je remarquerai simplement avec vous, je le cite, que les princes traitent toujours d'inutile ce qu'ils ne comprennent point. Je vous remercie.